Chapitre 6. Ce qui reste à faire. Développement de quelques principes. Le temps n'est plus où les trois ordres, ne songeant qu'à se défendre du despotisme ministériel, étaient prêts à se réunir contre l'ennemi commun. Quoiqu'il soit impossible à la nation de tirer un parti utile de la circonstance présente, de faire un seul pas vers l'ordre social, sans que le tiers-État en recueille aussi les fruits, cependant, la fierté des deux premiers ordres s'est irrité en voyant les grandes municipalités du royaume réclamer la moindre partie des droits politiques qui appartiennent au peuple. Que voulaient-ils donc, ces privilégiés si ardents à défendre leur superflu et si prompts à empêcher le tiers-État d'obtenir en ce genre le plus strict nécessaire? Entendaient-ils que la régénération dont on se flatte ne serait que pour eux? Et voulaient-ils ne se servir du peuple, toujours malheureux, que comme d'un instrument aveugle pour étendre et consacrer leur aristocratie? Que diront les générations futures en apprenant l'espèce de fureur avec laquelle le second ordre de l'État et le premier ordre du clergé ont poursuivi toutes les demandes des villes? Pourront-elles croire aux ligues secrètes et publiques, aux feintes alarmes et à la perfidie des manœuvres dont on a enveloppé les défenseurs du peuple? Rien ne sera oublié dans les fidèles récits que les écrivains patriotes préparent à la postérité. On fera connaître la noble conduite des manias de France, dans une circonstance si propre pourtant à inspirer quelques sentiments de patriotisme aux hommes même les plus absorbés dans leur égoïsme. Comment des princes de la maison régnante ont-ils pu se déterminer à prendre parti dans une querelle entre les ordres de l'État? Comment ont-ils laissé de méprisables rédacteurs vomir les calomnies atroces autant que ridicules qui remplissent l'incroyable mémoire publiée sous leur nom? On se plaint de la violence de quelques écrivains du tiers-État. Qu'est-ce que la manière de penser d'un individu isolé? Rien. Les véritables démarches du tiers-État, celles qui sont authentiques, se bornent aux pétitions des municipalités et d'une partie des pays d'État. Qu'on les compare à la démarche également authentique des princes contre le peuple, lequel se garderait bien de les attaquer. Quelle modestie, quelle mesure dans les premières! Quelle violence, quelle profonde iniquité dans la seconde! Inutilement, le tiers-État attendrait-il du concours de toutes les classes la restitution de ses droits politiques et la plénitude de ses droits civils. La peur de voir réformer les abus inspire aux deux premiers ordres plus d'alarmes qui ne sentent de désir pour la liberté. Entre elles et quelques privilèges odieux, ils ont fait choix de ceux-ci. Leur âme s'est identifié avec les faveurs de la servitude. Ils redoutent aujourd'hui ces états généraux qu'ils invoquaient naguère avec tant d'ardeur. Tout est bien pour eux. Ils ne se plaignent plus que de l'esprit d'innovation. Ils ne manquent plus de rien. La crainte leur a donné une constitution. Le tiers-État doit s'apercevoir, au mouvement des esprits et des affaires, qu'il ne peut rien espérer que de ses lumières et de son courage. La raison et la justice sont pour lui. Il faut au moins qu'il s'en assure toute la force. Non, il n'est plus temps de travailler à la conciliation des partis. Quel accord peut-on espérer entre l'énergie de l'opprimé et la rage des oppresseurs? Ils ont osé prononcer le mot de scission. Ils ont menacé le roi et le peuple. Et grand Dieu, qu'il serait heureux pour la nation qu'elle fût faite à jamais cette scission si désirable! Combien il serait aisé de se passer des privilégiés, combien il sera difficile de les amener à être citoyens. Il est des questions que ne devraient jamais agiter ceux qui craignent la justice. À coup sûr, elles servent à éclairer le public. Et il faut que les lumières mènent à l'équité, de gré ou de force. D'ailleurs, il ne s'agit plus pour le tiers-État d'être mieux ou de rester comme il était. La circonstance ne permet point ce calcul. Il faut avancer ou reculer. Il faut abolir ou reconnaître et légaliser des privilèges iniques et insociaux. Or, on doit sentir combien serait insensé le projet de consacrer, à la fin du XVIIIe siècle, les restes abominables de la féodalité. Ici, la langue a survécu à la chose. Les nobles se plaisent à prononcer les mots de roturier, de manant, de vilain. Ils oublient que ces expressions, quelque sens qu'on veuille leur donner, sont ou étrangères aujourd'hui au tiers-État, ou communes aux trois ordres. Ils oublient encore que, lorsqu'elles étaient exactes, les 99 centièmes d'entre eux étaient incontestablement des roturiers, des manants et des vilains. On fermerait en vain les yeux sur la révolution que le temps et la force des choses ont opérée. Elle n'en est pas moins réelle. Autrefois, le tiers était serf, l'ordre noble était tout. Aujourd'hui, le tiers est tout, la noblesse est un mot. Mais sous ce mot s'est glissée une nouvelle et intolérable aristocratie. Et le peuple a toute raison de ne vouloir point d'aristocrate. Dans une pareille position, que reste-t-il à faire au tiers s'il veut se mettre en possession de ses droits politiques d'une manière utile à la nation? Il se présente deux moyens pour y parvenir. En suivant le premier, le tiers doit s'assembler à part. Il ne concourra point avec la noblesse et le clergé, il ne restera avec eux ni par ordre ni par tête. Je prie qu'on fasse attention à la différence énorme qu'il y a entre l'assemblée du tiers-état et celle des deux autres ordres. La première représente 25 millions d'hommes et délibère sur les intérêts de la nation. Les deux autres, dussent-elles se réunir, n'ont de pouvoir que d'environ 200 000 individus et ne songent qu'à leurs privilèges. Le tiers seul, dira-t-on, ne peut pas former les états généraux. Eh bien, tant mieux, il composera une assemblée nationale. Un conseil de cette importance a besoin d'être justifié par tout ce que les bons principes offrent de plus clair et de plus certain. Je dis que les députés du clergé et de la noblesse n'ont rien de commun avec la représentation nationale, que nulle alliance n'est possible entre les trois ordres aux états généraux et que, ne pouvant point voter en commun, ils ne le peuvent ni par ordre, ni par tête. Nous avons promis, en finissant le troisième chapitre, de prouver ici cette vérité. Au reste, elle n'offrira peut-être rien qui ne soit connu. Les bons esprits l'ont déjà répandu dans le public. Il n'est, dit une maxime du droit universel, pas de plus grand défaut que le défaut de pouvoir. On le sait, la noblesse n'est pas députée par le clergé et le tiers. Le clergé n'est point chargé de la procuration des nobles et des communes. Il suit de là que chaque ordre est une nation distincte, qui n'est pas plus compétente à s'immiscer dans les affaires des autres ordres que les états généraux de Hollande ou le conseil de Venise, par exemple, ne sont habiles à voter dans les délibérations du Parlement d'Angleterre. Un procureur fondé ne peut lier que ses commettants. Un représentant n'a droit de porter la parole que pour ses représentés. Si l'on méconnaît cette vérité, il faut anéantir tous les principes. On doit voir, d'après cela, qu'il est en bonne règle parfaitement inutile de chercher le rapport ou la proportion suivant laquelle chaque ordre doit concourir à former la volonté générale. Cette volonté ne peut pas être une tant que vous laisserez trois ordres et trois représentations. Tout au plus, ces trois assemblées pourront se réunir dans le même vœu, comme trois nations alliées peuvent former le même désir. Mais vous n'en ferez jamais une nation, une représentation et une volonté commune. Je sens que ces vérités, toutes certaines qu'elles sont, deviennent embarrassantes dans un État qui ne s'est pas formé sous les auspices de la raison et de l'équité politique. Que voulez-vous ? Votre maison ne se soutient que par artifice, à l'aide d'une forêt d'étais informes, placées sans goût et sans dessein, si ce n'est celui d'étançonner les parties à mesure qu'elles menaçaient de ruine. Il faut la reconstruire, ou bien vous résoudre à vivre au jour le jour dans la gêne et dans l'inquiétude d'être enfin écrasé sous ses débris. Tout se tient dans l'ordre social. Si vous en négligez une partie, ce ne sera pas impunément pour les autres. Si vous commencez par le désordre, vous vous en apercevrez nécessairement à ses suites. Si l'on pouvait retirer de l'injustice et de l'absurdité les mêmes fruits que de la raison et de l'équité, où seraient donc les avantages de celles-ci? Vous vous écriez que, si le tiers-état s'assemble séparément pour former non les trois états, dits généraux, mais l'Assemblée nationale, il ne sera pas plus compétent à voter pour le clergé et la noblesse que ces deux ordres ne le sont à délibérer pour le peuple. D'abord, je vous prie de remarquer, ainsi que nous venons de le dire, que les représentants du tiers auront incontestablement la procuration des 25 ou 26 millions d'individus qui composent la nation, à l'exception d'environ 200 000 nobles ou prêtres. C'est bien assez pour qu'ils se décernent le titre d'Assemblée nationale. Ils délibéreront donc, sans aucune difficulté, pour la nation entière, à l'exception seulement de 200 000 têtes. Dans cette supposition, le clergé pourrait continuer à tenir ses assemblées pour le don gratuit, et la noblesse adopterait un moyen quelconque d'offrir son subside au roi. Et pour que les arrangements particuliers à ces deux ordres ne puissent jamais devenir onéreux aux tiers, celui-ci commencerait par déclarer formellement qu'il n'entend payer aucune imposition qui ne serait pas supportée par les deux autres ordres. Il ne voterait le subside qu'à cette condition, et lors même que le tribut aurait été réglé, il ne serait point levé sur le peuple si l'on apercevait que le clergé et la noblesse s'en exemptassent sous quelque prétexte que ce fût. Cet arrangement serait peut-être, malgré les apparences, aussi bon qu'un autre à ramener peu à peu la nation à l'unité sociale. Mais du moins, il remédierait dès à présent aux dangers qui menacent ce pays. En effet, comment le peuple ne serait-il pas saisi d'effroi en voyant deux corps privilégiés, et peut-être un troisième mi-parti, se disposer sous le nom d'États généraux à décider de son sort, à lui imposer des destinées immuables autant que malheureuses? Il est trop juste de dissiper les alarmes de 25 millions d'hommes, et quand on parle de constitution, de prouver par ses principes et sa conduite qu'on en connaît et qu'on en respecte les premiers éléments. Il est constant que les députés du clergé et de la noblesse ne sont point représentants de la nation. Ils sont donc incompétents à voter pour elle. Si vous les laissez délibérer dans les matières d'intérêt général, qu'en résultera-t-il? Premièrement, si les votes sont pris par ordre, il s'ensuivra que 25 millions de citoyens ne pourront rien décider pour l'intérêt général parce qu'il ne plaira pas à 100 ou 200 000 individus privilégiés, c'est-à-dire que les volontés de plus de 100 personnes seront frappées d'interdiction et anéanties par la volonté d'une seule. Secondement, si les votes sont pris par tête, même à égalité d'influence entre les privilégiés et les non-privilégiés, il s'ensuivra toujours que les volontés de 200 000 personnes pourront balancer celles de 25 millions puisqu'elles auront un nombre égal de représentants. Or, n'est-il pas monstrueux de composer une assemblée de manière qu'elle puisse voter pour l'intérêt de la minorité? N'est-ce pas là une assemblée à l'envers? Nous avons démontré dans le chapitre précédent la nécessité de ne reconnaître la volonté commune que dans l'avis de la pluralité. Cette maxime est incontestable. Il suit de là qu'en France, les représentants du tiers sont les vrais dépositaires de la volonté nationale. Ils peuvent donc, sans erreur, parler au nom de la nation entière. Car en supposant même les privilégiés réunis, toujours unanimes contre la voix du tiers, ils n'en seraient pas moins incapables de balancer la pluralité dans les délibérations de cet ordre. Chaque député du tiers, d'après le nombre fixé, vote à la place d'environ 50 000 hommes. Il suffirait donc de statuer que la pluralité sera de 5 voix au-dessus de la moitié dans la Chambre des communes pour que les voix unanimes des 200 000 nobles ou prêtres dussent être regardées comme indifférentes à connaître. Et remarquez que, dans cette supposition, j'oublie un moment que les députés des deux premiers ordres ne sont point représentants de la nation, et je veux bien admettre encore que, siégeant dans la véritable Assemblée nationale, avec la seule influence pourtant qui leur appartient, ils opineraient sans relâche contre le vœu de la pluralité. Alors même, il est visible que leur avis serait perdu dans la minorité. En voilà bien assez pour démontrer l'obligation où sera le tiers état de former à lui seul une assemblée nationale, et pour autoriser, devant la raison et l'équité, la prétention que pourrait avoir cet ordre de délibérer et de voter pour la nation entière sans aucune exception. Je sais que de tels principes ne seront pas du goût même des membres du tiers les plus habiles à défendre ses intérêts. Soit, pourvu que l'on convienne que je suis parti des vrais principes et que je ne marche qu'à l'appui d'une bonne logique. Ajoutons que le tiers état, en se séparant des deux premiers ordres, ne peut pas être accusé de faire scission. Il faut laisser cette expression, ainsi que le sens qu'elle renferme, à ceux qui l'ont employée les premiers. En effet, la pluralité ne se sépare point du tout. Il y aurait contradiction dans les termes, car il faudrait pour cela qu'elle se séparât d'elle-même. Ce n'est qu'à la minorité qu'il appartient de ne vouloir point se soumettre aux vœux du grand nombre, et par conséquent, de faire scission. Cependant, notre intention en montrant au tiers toute l'étendue de ses ressources, ou plutôt de ses droits, n'est point de l'engager à en user en toute rigueur. J'ai annoncé pour le tiers deux moyens de se mettre en possession de la place qui lui est due dans l'ordre politique. Si le premier que je viens de présenter paraît un peu trop brusqué, si l'on juge qu'il faut laisser le temps au public de s'accoutumer à la liberté, si l'on croit que les droits nationaux, quelque évidents qu'ils soient, ont encore besoin, dès qu'ils sont disputés, même par le plus petit nombre, d'une sorte de jugement légal qui les fixe, pour ainsi dire, et les consacre par une dernière sanction, je le veux bien. Appelons-en au tribunal de la nation, seul juge compétent dans tous les différends qui touchent à la Constitution. Tel est le deuxième moyen ouvert aux tiers. Ici, nous avons besoin de nous rappeler tout ce qui a été dit dans le chapitre précédent, tant sur la nécessité de constituer le corps des représentants ordinaires, que sur celle de ne confier ce grand ouvrage qu'à une députation extraordinaire, ayant ad hoc un pouvoir spécial. On ne niera pas que la Chambre du tiers ou prochains États généraux ne soit très compétente assurément à convoquer le royaume en représentation extraordinaire. C'est donc à lui surtout qu'il appartient de prévenir la généralité des citoyens sur la fausse constitution de la France. Il se plaindra hautement que les États généraux sont un corps mal organisé, incapable de remplir ses fonctions nationales. Et il démontrera en même temps la nécessité de donner à une députation extraordinaire un pouvoir spécial pour régler, par des lois certaines, les formes constitutives de sa législature. Jusque-là, l'ordre du tiers suspendra non pas ses travaux préparatoires, mais l'exercice de son pouvoir. Il ne statuera rien définitivement. Il attendra que la nation ait jugé le grand procès qui divise les trois ordres. Telle est, j'en conviens, la marche la plus franche, la plus généreuse, et par conséquent la plus convenable à la dignité du tiers-état. Le tiers peut donc se considérer sous deux rapports. Sous le premier, il ne se regarde que comme un ordre. Il veut bien alors ne pas secouer tout à fait les préjugés de l'ancienne barbarie. Il distingue deux autres ordres dans l'État, sans leur attribuer pourtant d'autre influence que celle qui peut se concilier avec la nature des choses, et il a pour eux tous les égards possibles, en consentant à douter de ses droits jusqu'à la décision du juge suprême. Sous le second rapport, il est la nation. En cette qualité, ses représentants forment toute l'Assemblée nationale. Ils en ont tous les pouvoirs. Puisqu'ils sont les seuls dépositaires de la volonté générale, ils n'ont pas besoin de consulter leurs commettants sur une dissension qui n'existe pas. Sans doute, ils sont toujours prêts à se soumettre aux lois qu'il plaira à la nation de leur donner. Mais s'ils ont à la provoquer eux-mêmes, ce ne peut être sur aucune des questions qui naissent de la pluralité des ordres dans l'Assemblée nationale. L'envoi d'une députation extraordinaire, ou du moins la concession d'un nouveau pouvoir spécial, ainsi qu'elle a été expliquée ci-dessus, pour régler avant tout la grande affaire de la Constitution, paraît le vrai moyen de mettre fin à la dissension actuelle et aux troubles possibles de la nation. N'y eut-il rien à craindre de ces troubles, ce serait encore une mesure nécessaire à prendre parce que, tranquilles ou non, nous ne pouvons pas nous passer de connaître nos droits politiques et de nous en mettre en possession. Cette nécessité nous paraîtra plus pressante encore si nous songeons que les droits politiques sont la seule garantie des droits civils et de la liberté individuelle. Je terminerais ici mon mémoire sur le tiers-état si je n'avais entrepris que d'offrir des moyens de conduite, mais je me suis proposé encore de développer des principes. Qu'il me soit donc permis de suivre les intérêts du tiers jusque dans la discussion publique qui va s'élever sur la véritable composition d'une Assemblée nationale. Ce n'est point des affaires ni du pouvoir que je vais parler, mais des lois qui doivent déterminer la composition personnelle du corps des députés. Il faut d'abord comprendre clairement quel est l'objet ou le but de l'Assemblée représentative d'une nation. Il ne peut pas être différent de celui que se proposerait la nation elle-même si elle pouvait se réunir et conférer dans le même lieu. Qu'est-ce que la volonté d'une nation? C'est le résultat des volontés individuelles, comme la nation est l'assemblage des individus. Il est impossible de concevoir une association légitime qui n'ait pas pour objet la sécurité commune, la liberté commune, enfin la chose publique. Sans doute, chaque particulier se propose en outre des fins particulières. Il se dit, à l'abri de la sécurité commune, je pourrais me livrer tranquillement à mes projets personnels, je suivrai ma félicité comme je l'entendrai, assuré de ne rencontrer de bornes légales que celle que la société me prescrira pour l'intérêt commun auquel j'ai part, et avec lequel mon intérêt particulier a fait une alliance si utile. Mais conçoit-on qu'il puisse y avoir dans l'Assemblée générale des membres assez insensés pour oser tenir ce langage, vous voilà réunis, non pour délibérer sur nos affaires communes, mais pour vous occuper des miennes en particulier et de celles d'une petite coterie que j'ai formée avec quelques-uns d'entre vous. Dire que des associés s'assemblent pour régler les choses qui les regardent en commun, c'est expliquer le seul motif qui a pu engager les membres à entrer dans l'association, c'est-à-dire une de ces vérités fondamentales et si simples qu'on les affaiblit en voulant les prouver. Actuellement, il est intéressant de s'expliquer comment tous les membres d'une assemblée nationale vont concourir par leurs volontés individuelles à former cette volonté commune qui ne doit aller qu'à l'intérêt public. Présentons d'abord ce jeu ou ce mécanisme politique dans la supposition la plus avantageuse. Ce serait celle où l'esprit public, dans sa plus grande force, ne permettrait de manifester à l'Assemblée que l'activité de l'intérêt commun. Ces prodiges sont rares dans l'histoire et ils ne durent pas. Ce serait bien mal connaître les hommes que de lier la destinée des sociétés à des efforts de vertu. Il faut que dans la décadence même des mœurs publiques, lorsque l'égoïsme paraît gouverner toutes les âmes, il faut, dis-je, que même dans ces longs intervalles, l'assemblée d'une nation soit tellement constituée que les intérêts particuliers y restent isolés et que le vœu de la pluralité y soit toujours conforme au bien général. Remarquons dans le cœur des hommes trois espèces d'intérêts. Premièrement, celui par lequel ils se ressemblent, il donne la juste étendue de l'intérêt commun. Secondement, celui par lequel un individu s'allie à quelques autres seulement, c'est l'intérêt de corps. Et enfin, troisièmement, celui par lequel chacun s'isole, ne songeant qu'à soi, c'est l'intérêt personnel. L'intérêt par lequel un homme s'accorde avec tous ses co-associés est évidemment l'objet de la volonté de tous et celui de l'assemblée commune. L'influence de l'intérêt personnel y doit être nulle. C'est aussi ce qui arrive, sa diversité est son remède. La grande difficulté vient de l'intérêt par lequel un citoyen s'accorde avec quelques autres seulement. Celui-ci permet de se concerter, de se liguer. Par lui se combinent les projets dangereux pour la communauté. Par lui se forment les ennemis publics les plus redoutables. L'histoire est pleine de cette vérité. Qu'on ne soit donc pas étonné si l'ordre social exige avec tant de rigueur de ne point laisser les simples citoyens se disposer en corporation. S'il exige même que les mandataires du pouvoir exécutif, qui par la nécessité des choses forment de véritables corps, renoncent, tant que dure leur emploi, à être élus pour la représentation législative. Ainsi, et non autrement, l'intérêt commun est assuré de dominer les intérêts particuliers. À ces seules conditions, on peut se rendre raison de la possibilité de fonder les associations humaines sur l'avantage général des associés, et par conséquent, s'expliquer la légitimité des sociétés politiques. Les mêmes principes font sentir avec non moins de force la nécessité de constituer l'assemblée représentative elle-même sur un plan qui ne lui permette pas de se former en esprit de corps et de dégénérer en aristocratie. De là ces maximes fondamentales, suffisamment développées ailleurs, que le corps des représentants doit être régénéré par tiers tous les ans, que les députés qui finissent leur temps ne doivent être de nouveau éligibles qu'après un intervalle suffisant pour laisser au plus grand nombre possible de citoyens la facilité de prendre part à la chose publique, qui ne serait plus si elle pouvait être regardée comme la chose propre à un certain nombre de familles, etc., etc. Mais lorsqu'au lieu de rendre hommage à ces premières notions, à ces principes si clairs et si certains, le législateur crée au contraire lui-même des corporations dans l'État, lorsqu'il avoue toutes celles qui se forment, lorsqu'il les consacre par sa puissance, quand enfin il ose appeler les plus grandes, et par conséquent les plus funestes, à faire partie sous le nom d'ordre de la représentation nationale, on croit voir le mauvais principe s'efforçant de tout gâter, de tout ruiner, de tout bouleverser parmi les hommes. Pour combler et consolider le désordre social, il ne restait plus qu'à donner à ces terribles jurandes une prépondérance réelle sur le grand corps de la nation. Et c'est ce qu'on pourrait accuser le législateur d'avoir fait en France s'il ne fallait pas plutôt s'en prendre au cours aveugle des événements ou à l'ignorance et à la férocité de nos devanciers, dans la plupart des mots qui afflige ce superbe royaume. Nous connaissons le véritable objet d'une assemblée nationale. Elle n'est point faite pour s'occuper des affaires particulières des citoyens. Elle ne les considère qu'en masse et sous le point de vue de l'intérêt commun. Tirons-en la conséquence naturelle que le droit à se faire représenter n'appartient aux citoyens qu'à cause des qualités qui leur sont communes et non pas celles qui les différencient. Les avantages par lesquels les citoyens diffèrent entre eux sont au-delà du caractère de citoyen. Les inégalités de propriété et d'industrie sont comme les inégalités d'âge, de sexe, de taille, etc. Elles ne dénaturent point l'égalité du civisme. Sans doute, ces avantages particuliers sont sous la sauvegarde de la loi. Mais ce n'est pas au législateur à en créer de cette nature, à donner des privilèges aux uns, à les refuser aux autres. La loi n'accorde rien. Elle protège ce qui est, jusqu'au moment où ce qui est commence à nuire à l'intérêt commun. Là seulement sont placées les limites de la liberté individuelle. Je me figure la loi au centre d'un globe immense. Tous les citoyens, sans exception, sont à la même distance sur la circonférence et n'y occupent que des places égales. Tous dépendent également de la loi. Tous lui offrent leur liberté et leur propriété à protéger. Et c'est ce que j'appelle les droits communs des citoyens, par où ils se ressemblent tous. Tous ces individus correspondent entre eux. Ils s'engagent, ils négocient, toujours sous la garantie commune de la loi. Si dans ce mouvement général, quelqu'un veut dominer la personne de son voisin ou usurper sa propriété, la loi commune réprime cet attentat et remet tout le monde à la même distance d'elle-même. Mais elle n'empêche point que chacun, suivant ses facultés naturelles et acquises, suivant des hasards plus ou moins favorables, n'enfle sa propriété de tout ce que le sort prospère ou un travail plus fécond pourra y ajouter, et ne puisse élever dans sa place légale le bonheur le plus conforme à ses goûts et le plus digne d'envie. La loi, en protégeant les droits communs de tout citoyen, protège chaque citoyen dans tout ce qu'il peut être, jusqu'au moment où ce qu'il veut être commencerait à nuire au commun intérêt. Peut-être reviens-je un peu trop sur les mêmes idées, mais je n'ai pas le temps de les réduire à leur plus parfaite simplicité, et d'ailleurs, ce n'est pas lorsqu'on représente des notions trop méconnues qu'il est bon d'être si concis. Les intérêts par lesquels les citoyens se ressemblent sont donc les seuls qu'ils puissent traiter en commun, les seuls par lesquels, et au nom desquels, ils puissent réclamer des droits politiques, c'est-à-dire une part active à la formation de la loi sociale, les seuls par conséquent qui impriment aux citoyens la qualité représentable. Ce n'est donc pas parce qu'on est privilégié, mais parce qu'on est citoyen qu'on a droit à l'élection des députés et à l'éligibilité. Tout ce qui appartient aux citoyens, je le répète, avantage commun, avantage particulier, pourvu que ceux-ci ne blessent pas la loi, ont droit à la protection. Mais l'union sociale n'ayant pu se faire que par des points communs, il n'y a que la qualité commune qui ait droit à la législation. Il suit de là que l'intérêt de corps, loin d'influer dans la législature, ne peut que la mettre en défiance. Il est aussi opposé à l'objet qu'étranger à la mission d'un corps de représentant. Ces principes deviennent plus rigoureux encore quand il s'agit des corps et des ordres privilégiés. J'entends par privilégié tout homme qui sort du droit commun, soit parce qu'il prétend n'être pas soumis en tout à la loi commune, soit parce qu'il prétend à des droits exclusifs. Une classe privilégiée est nuisible, non seulement par l'esprit de corps, mais par son existence même. Plus elle a obtenu de ses faveurs nécessairement contraires à la liberté commune, plus il est essentiel de l'écarter de l'Assemblée nationale. Le privilégié ne serait représentable que par sa qualité de citoyen. Mais en lui, cette qualité est détruite. Il est hors du civisme. Il est ennemi des droits communs. Lui donner un droit à la représentation serait une contradiction manifeste dans la loi. La nation n'aurait pu s'y soumettre que par un acte de servitude. Et c'est ce qu'on ne peut supposer. Lorsque nous avons prouvé que le mandataire du pouvoir actif ne pouvait être ni électeur ni éligible pour la représentation législative, Nous n'avons pas cessé pour cela de le regarder comme un vrai citoyen. Il l'est comme tous les autres, par ses droits individuels. Et les fonctions qui le distinguent, bien loin de détruire en lui le civisme, sont au contraire établies pour en servir les droits. S'il est pourtant nécessaire de suspendre l'exercice de ses droits politiques, que doit-ce être de ceux qui, méprisant les droits communs, s'en sont composés de tels que la nation y est étrangère? De ces hommes dont l'existence seule est une hostilité continuelle contre ce grand corps du peuple. Certes, ceux-là ont renoncé au caractère de citoyen, et ils doivent être exclus des droits d'électeur et d'éligible, plus sûrement encore que vous n'en écarteriez un étranger dont au moins l'intérêt avoué pourrait bien n'être pas opposé au vôtre. Résumons, il est de principe que tout ce qui sort de la qualité commune de citoyen ne saurait participer aux droits politiques. La législature d'un peuple ne peut être chargée de pourvoir qu'à l'intérêt général. Mais si au lieu d'une simple distinction, indifférente presque à la loi, il existe des privilégiés, ennemis par état de l'ordre commun, ils doivent être positivement exclus. Ils ne peuvent être ni électeurs, ni éligibles, tant que dureront leurs odieux privilèges. Je sais que de pareils principes vont paraître extravagants à la plupart des lecteurs. C'est que la vérité doit paraître aussi extravagante aux préjugés que ceux-ci peuvent l'être pour la vérité. Tout est relatif. Que mes principes soient certains, que mes conséquences soient exactes, il me suffit. Mais au moins, dira-t-on, ce sont là des choses absolument impraticables pour le temps. Aussi, je ne me charge point de les pratiquer. Mon rôle, à moi, est celui de tous les écrivains patriotes. Il consiste à présenter la vérité. D'autres s'en rapprocheront plus ou moins, selon leurs forces et selon les circonstances, ou bien s'en écarteront par mauvaise foi. Et alors, nous souffrirons ce que nous ne pouvons pas empêcher. Si tout le monde pensait vrai, les plus grands changements, dès qu'ils présenteraient un objet d'utilité publique, n'auraient rien de difficile. Que puis-je faire de mieux que d'aider de toutes mes forces à répandre cette vérité qui prépare les voies? On commence par la mal recevoir. Peu à peu, les esprits s'y accoutument. L'opinion publique se forme et, enfin, l'on aperçoit à l'exécution des principes qu'on avait d'abord traités de folles chimères. Dans presque tous les ordres de préjugés, si des écrivains n'avaient consenti à passer pour fous, le monde en serait aujourd'hui moins sage. Je rencontre partout de ces gens modérés qui voudraient que les pas vers la vérité ne se fissent qu'un à un. Je doute qu'ils s'entendent lorsqu'ils parlent ainsi. Ils confondent la marche de l'administrateur avec celle du philosophe. Le premier s'avance comme il peut. Pourvu qu'il ne sorte pas du bon chemin, on n'a que des éloges à lui donner. Mais ce chemin doit avoir été percé jusqu'au bout par le philosophe. Il doit être arrivé au terme, sans quoi il ne pourrait point garantir que c'est véritablement le chemin qui y mène. S'il prétend m'arrêter quand il lui plaît, et comme il lui plaît, sous prétexte de prudence, comment saurais-je qu'il me conduit bien? Faudrait-il l'en croire sur parole? Ce n'est pas dans l'ordre de la raison qu'on se permette une confiance aveugle. Il semble en vérité qu'on veut et qu'on espère, en ne disant qu'un mot après l'autre, surprendre son ennemi et le faire donner dans un piège. Je ne veux point discuter si, même entre particuliers, une conduite franche n'est pas aussi la plus habile. Mais à coup sûr, l'art des réticences et toutes ces finesses de conduite, que l'on croit le fruit de l'expérience des hommes, sont une vraie folie dans les affaires nationales traitées publiquement par tant d'intérêts réels et éclairés. Ici, le vrai moyen d'avancer ses affaires n'est pas de cacher à son ennemi ce qu'il sait aussi bien que nous, mais de pénétrer la pluralité des citoyens de la justice de leur cause. On croit un peu trop que la vérité peut se diviser en parties et entrer ainsi en détail plus facilement dans l'esprit. Non. Le plus souvent, il faut de bonnes secousses. La vérité n'a pas trop de toute sa lumière pour produire de ses impressions fortes, d'où naît un intérêt passionné pour ce qu'on a reconnu vrai, beau et utile. Il faut avoir une pauvre idée de la marche de la raison pour imaginer qu'un peuple entier doit rester aveugle sur ses vrais intérêts et que les vérités les plus utiles, concentrées dans quelques têtes seulement, ne doivent paraître qu'à mesure qu'un habile administrateur peut en avoir besoin pour le succès de ses opérations. D'abord, cette vue est fausse, parce qu'elle est impossible à suivre. En second lieu, ignore-t-on que la vérité ne s'insinue que lentement dans une masse aussi grande que la d'une nation? Ne faut-il pas laisser aux hommes qu'elle gêne le temps de s'y accoutumer, aux jeunes gens qui la reçoivent avidement, celui de devenir quelque chose, et aux vieillards, celui de n'être plus rien? En un mot, veut-on attendre, pour semer, le moment de la récolte? Il n'y en aura jamais. La raison, d'ailleurs, n'aime point le mystère. Elle n'agit que par sa grande expansion. Ce n'est qu'en frappant partout qu'elle frappe juste, parce que c'est ainsi que se forme cette puissance d'opinion à laquelle on doit peut-être attribuer la plupart des changements vraiment avantageux au peuple. Les esprits, dites-vous, ne sont pas encore disposés à vous entendre. Vous allez choquer beaucoup de monde. Il le faut ainsi. La vérité la plus utile à publier n'est pas celle dont on était déjà assez voisin. Ce n'est pas celle que l'on était déjà disposé à accueillir. Non, c'est précisément parce qu'elle va irriter plus de préjugés et plus d'intérêts personnels qu'il est plus nécessaire de la répandre. On ne fait pas attention que le préjugé qui mérite le plus de ménagement est celui qui est joint à la bonne foi, que l'intérêt personnel le plus dangereux à irriter est celui auquel la bonne foi prête toute l'énergie du sentiment qu'on a pour soi la justice. Il faut leur ôter cette force étrangère. Il faut, en les éclairant, les réduire aux seuls expédients de la mauvaise foi. Les personnes modérées à qui j'adresse ces réflexions cesseraient de craindre pour le sort des vérités qu'elles appellent prématurées si elles ne s'obstinaient à confondre toujours la conduite mesurée et prudente de l'administrateur qui guetterait tout en effet, s'il ne calculait pas les frottements et les obstacles, avec cet élan libre du philosophe que la vue des difficultés ne peut qu'exciter davantage et qui est d'autant plus appelé à présenter les bons principes sociaux que les esprits sont plus encroûtés de barbarie féodale. Enfin, dira-t-on, si les privilégiés n'ont aucun droit à intéresser la volonté commune à leurs privilèges, au moins doivent-ils, en leur qualité de citoyens, jouir, confondus avec le reste de la société, de leurs droits politiques à la représentation. J'ai déjà dit qu'en revêtant le caractère de privilégiés, ils sont devenus les ennemis réels de l'intérêt commun. Ils ne peuvent donc point être chargés d'y pourvoir. J'ajoute qu'ils sont les maîtres de rentrer, quand ils le voudront, dans l'ordre social. Ainsi, c'est bien volontairement qu'ils s'excluent de l'exercice des droits politiques. Enfin, leurs véritables droits, ceux qui peuvent être l'objet de l'Assemblée nationale, leur étant communs avec les députés qui la composent, ils peuvent se consoler en songeant que ces députés se blesseraient eux-mêmes s'ils tentaient d'y nuire. Il est donc certain que les seuls membres non privilégiés sont susceptibles d'être électeurs et députés à l'Assemblée nationale. Le vœu du tiers sera toujours bon pour la généralité des citoyens. Celui des privilégiés serait toujours mauvais, à moins que, négligeant leur intérêt particulier, ils ne voulussent voter comme de simples citoyens, c'est-à-dire comme le tiers-État lui-même. Donc, le tiers suffit à tout ce qu'on peut espérer d'une Assemblée nationale. Donc, lui seul est capable de procurer tous les avantages qu'on a lieu de se promettre des États généraux. Peut-être pensera-t-on qu'il reste aux privilégiés, pour dernière ressource, de se considérer comme une nation à part et de demander une représentation distincte et indépendante. J'ai répondu d'avance à cette prétention, au premier chapitre de cet écrit, en prouvant que les ordres privilégiés n'étaient point, ne pouvaient pas être un peuple à part. Ils ne sont et ne peuvent être qu'aux dépens d'une véritable nation. Quelle est celle qui consentira volontairement à une telle alliance? En attendant, il est impossible de dire quelle place deux corps privilégiés doivent occuper dans l'ordre social. C'est demander quelle place l'on veut assigner, dans le corps d'un malade, à l'humeur maligne qui le mine et qui le tourmente. Il faut la neutraliser, il faut rétablir la santé et le jeu de tous les organes assez bien pour qu'il ne s'y forme plus de ces combinaisons morbifiques capables de vicier les principes les plus essentiels de la vitalité.